Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais parler à quelqu'un, tu dois veiller, tu dois prier. À cette fin d'année, l'ennemi se déchaîne. Il est comme un lion rugissant et cherchant qui dévorer. Mais tu dois lui résister dans la prière. Il faut que toute la maison, toute la famille, vous demeuriez dans la prière. Invoquez le sang de Jésus, car votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton voisin, réveille ton mari. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 54. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 54. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David, lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai des bons cœurs, des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse. Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Il y a quatre vérités que je vais partager avec vous, chers amis des OSB. Voici la première vérité. Cherchons refuge auprès de Dieu et non auprès des hommes. Le verset 1 de ce psaume 54 nous permet de comprendre la circonstance dans laquelle David l'a écrit. Lorsqu'il fuyait Saül, qui voulait attenter à sa vie, il est allé se cacher dans le désert des Ziph. Mais le peuple de cette contrée, appelé les Ziphiens, partirent le dénoncer chez le roi Saül, en disant, « David s'est caché parmi nous. » Et ils voulurent le livrer à Saül. Vous trouvez cela dans 1 Samuel 23, 19 à 22. Les hommes de ce monde peuvent nous trahir, mais Jésus-Christ ne peut jamais nous trahir. Les hommes peuvent nous rejeter, mais Jésus ne peut jamais nous rejeter. Saül poursuivait David car il était conscient que Dieu l'avait rejeté et qu'il avait choisi David pour futur roi d'Israël. Le but de Saül était de tuer David et de l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Chacun de nous peut avoir un Saül qui le poursuit pour le tuer ou l'empêcher d'entrer dans sa destinée prophétique, qui peut être le diplôme, le travail, le mariage, les ministères glorieux, la construction d'une grande œuvre, etc. Cherchons refuge auprès de Dieu et non auprès des hommes. David l'a bien compris. C'est pourquoi il lance ses cris vers Dieu. « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. Sauve-moi par ton nom et rends-moi justice dans ta grande puissance. » Deuxième vérité. Des hommes peuvent se lever contre nous, mais Dieu est notre secours. David devient, il revient sur la méchanceté de l'homme qui est utilisé comme un instrument de Satan pour nuire à son peuple et à ses serviteurs. C'est pourquoi il utilise des expressions ci-après. Il dit, des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie, au verset 5. Mes adversaires, verset 7. Il fait probablement allusion à Saül, qui les poursuivait, et surtout aux Ziphiens, qui sont devenus pour la circonstance des alliés de Saül. Les mots étrangers ici servent parfois à désigner ceux qui ne connaissent pas Dieu, car ils sont étrangers à la vie de Dieu, selon Éphésiens 4, 18. David dit qu'ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu, au verset 5. mais il a placé sa confiance en Dieu et croyait au secours divin. C'est pourquoi il affirme trois choses importantes. Il dit « Dieu est mon secours ». Il dit aussi « Dieu est le soutien de mon âme ». Et enfin, il dit, il me délivrera de toute détresse. Je vais parler à quelqu'un, quel que soit les combats que tu vis, les attaques que tu connais. Sache que Dieu est ton refuge. Il te délivrera. Et cette confiance, et cette espérance. Lorsque nous sommes combattus et poursuivis par nos ennemis, affirmons comme David ce que Dieu est pour nous. Et proclamons ce qu'il fait ou ce qu'il fera pour nous. La foi. C'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous devons espérer en la délivrance divine et nous devons la proclamer par notre bouche. Troisième vérité, Dieu fait retomber le mal sur la tête de nos ennemis. David nous révèle cette grande vérité dans ce psaume. Il dit au verset 7, « Le mal retombera sur mes adversaires. » Il poursuit en disant, « Anéantis-les dans ta fidélité. » Bien que nous ne devons pas imiter une telle prière qui demande d'anéantir nos ennemis, parce que dans le Nouveau Testament, Jésus a dit « Aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent ». Nous ne devons pas suivre à la lettre cette prière. Mais nous devons être néanmoins conscients que Dieu se charge lui-même de combattre nos ennemis et de faire retomber le mal sur leur tête. Jésus nous demande de prier pour nos ennemis. Selon Matthieu 5, 44-45. Paul nous montre la voie qui conduit à faire retomber le mal sur la tête de nos ennemis. La voie, c'est l'amour. Lorsque nous prions pour nos ennemis et que nous leur faisons du bien, nous amassons des charbons sur leur tête. Selon Romains 12, verset 20. David avait l'occasion de tuer son ennemi Saül, mais il n'a pas porté la main sur lui, car il les considérait comme loin de l'Éternel. Mais plus tard, c'est Dieu lui-même qui a vengé David, car Saül est mort sur les champs de bataille contre les Philistins, sans que David lui portât la main. Vous pouvez le vérifier dans 1 Samuel 31, 3 à 6. Aman fut pendu sur les bois qu'il avait préparé pour y pendre Mardoché, selon Esther 7, 9 à 10. Les ennemis de Daniel furent jetés dans la fosse au lion, après que leur complot contre ces derniers y échoué. Vous trouvez cela dans Daniel 7, verset 24. Je vais donc dire à quelqu'un, sache que c'est Dieu lui-même qui va te venger. Ne cherche pas à te venger. Dieu lui-même va retourner la situation. Mais toi, tu dois poser des actes d'amour vis-à-vis de tes ennemis. Quatrième vérité. Lorsque Dieu nous délivre, manifestons-lui notre reconnaissance. Je vais parler à quelqu'un. Tu étais malade, tu étais alité et on a prié pour toi. Tu as vu la guérison divine de manière surnaturelle. Même ton médecin est étonné de te voir marcher. Mais tu dois manifester ta reconnaissance à Dieu. Quand Dieu t'a béni, quand Dieu t'a guéri, quand Dieu t'a délivré. David dit au verset 8, « Je t'offrirai des bons cœurs, des sacrifices et je louerai ton nom, ô Éternel. » Je t'offrirai des bons cœurs, des sacrifices. Aujourd'hui, les sacrifices, pour nous, ce ne sont plus des sacrifices des animaux, des bœufs, des brebis. Ce sont des sacrifices de louanges, les sacrifices de reconnaissance, les fruits de nos lèvres qui confèrent son nom. David donne la raison pour laquelle il promet de lui offrir des sacrifices. Il dit, « Car il me délivre de toute détresse » au verset 9. Le Nouveau Testament nous parle de trois types de sacrifices que nous pouvons offrir à Dieu. C'est d'abord les sacrifices de nos corps, comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Paul disait aux Romains, dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Deuxième sacrifice que nous pouvons offrir à Dieu, selon le Nouveau Testament, ce sont des sacrifices de louanges, selon Hébreux 13, 15. Et enfin, nous pouvons lui offrir aussi notre bienfaisance et notre libéralité, c'est-à-dire nos offrandes, nos dons, l'aide aux nécessités. C'est aussi des types de sacrifices que Dieu agrée. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons le louer ensemble. Chantons ce cantique. «

Dieu. Il mérite l'honneur, il mérite la louange, il mérite la force, la puissance. Élevons ensemble nos voix, glorifions ce Dieu-là. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière appelée ou dénommée OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. O, c'est opération, B, S, sur et B, brèche. Nous nous tenons à la brèche. Se tenir à la brèche, c'est une expression qui veut dire être dans la présence de Dieu, prier, intercéder. C'est ce que nous faisons chaque 5h du matin en direct pour ceux qui sont à Abidjan. Nous produisons cette émission à partir d'Abidjan sur la Radio Nationale des Églises Protestantes Évangéliques de Côte d'Ivoire, la radio Fréquence Vie. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngombi. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 54. Nous vous proposons quelques sujets de prière. Nous allons crier à Dieu pour qu'il nous délivre de nos ennemis, et particulièrement ceux qui complotent contre nous. Peut-être que toi qui m'entends, tu as des gens qui complotent contre toi. Tu vas prier pour dire, Seigneur, délivre-moi. Renverse le complot de mes ennemis. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous glorifions notre Père, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui nous a soutenus jusque-là. Le Dieu qui nous fortifie. Le Dieu qui nous encourage. Le Dieu qui mène le combat pour nous. Ce matin encore, je crie à toi. Viens à notre secours. Je crie à toi. Viens pour nous délivrer. Viens pour nous justifier. Parce que les ennemis sont nombreux. En cette fin d'année, ils veulent nos pertes. Ils veulent nous voir dans les pleurs. Ils veulent nous voir dans la déchéance. Père, viens avorter les projets des méchants au nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre des ennemis à notre égard soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Que toute flèche des ennemis contre mon frère, contre ma sœur, contre nos vies, sois brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que l'ennemi a préparé pour nuire à un enfant de destinée, que cela soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Brise leur pouvoir, anéantis leurs œuvres. Oh Dieu, nombreux sont ceux-là qui complotent contre moi et complotent contre mon mariage. Viens briser leurs activités au nom de Jésus-Christ. Ils complotent contre mon avenir, contre mon succès, contre mon élévation. Annule les décrets sataniques contre tous les enfants de Dieu à l'écoute au nom de Jésus-Christ. Père, nous comptons sur toi pour que leurs activités soient nulles et sans effet. Que le malheur retombe sur tous nos ennemis. Ils sont réduits au silence et tu nous donnes d'avoir un cœur joyeux pour te célébrer, pour te glorifier. Oui, Seigneur. Les frères de Joseph ont comploté contre lui, mais ils ont échoué. La femme de Potiphar a comploté contre Joseph, mais elle a échoué. Seigneur, ce matin, comme Joseph, qu'ils échouent lamentablement et qu'ils voient ta gloire dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la capacité de faire du bien à nos ennemis et de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Cela n'est pas facile. Je parle à une dame. Ton mari t'a fait du mal parce que tu as appris que ton mari a fait un enfant au dehors. Oui, Dieu te dit, prie pour lui. C'est parce qu'il ne connaît pas Jésus. Prie pour que Dieu te donne la capacité de pardonner. Prions pour tous ceux qui ont cette difficulté d'aimer leurs ennemis, de pardonner, que la grâce de Dieu se manifeste dans leur vie. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, rends-moi justice, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne faiblis pas. Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve, purifie au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux. Je te rends grâce ce matin pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grandes réalisations dans ma vie. Et je demande, Père éternel, que tu me donnes la force afin que je puisse pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Donne-moi cette force-là, ô Père éternel, afin que non seulement je puisse pardonner, mais je puisse intercéder pour eux, afin qu'ils puissent revenir à de meilleurs sentiments. Manifeste-toi dans leur vie, ô Père éternel. Ta parole déclare, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous prions ce matin et nous demandons que tu renouvelles chaque jour nos forces. Nous prions ce matin, ô Père éternel, et nous te rendons grâce parce que tu permets à ce que nous puissions marcher dans le sentier de la justice. Merci pour cette force que tu nous donnes. Et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que les projets iniques, les projets des puissances des ténèbres contre notre vie sont voués à l'échec. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons, ô Père éternel, que tu te lèves en notre faveur et que nos ennemis soient dispersés. Que nos ennemis reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour toutes les délivrances qu'il nous a accordées et prenons l'engagement de lui offrir un sacrifice qui lui est agréable. Prenons l'engagement en disant, Seigneur, tu m'as délivré. Et si toi qui viens de m'entendre, le Seigneur t'a béni, le Seigneur t'a délivré, t'a guéri. En cette fin d'année, il faut que tu lui manifestes la reconnaissance. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Père. Nous voulons t'offrir des sacrifices d'action de grâce. Nous voulons prononcer des louanges de tout cœur. Nous voulons t'exalter, te magnifier, notre Dieu qui est bon, parce que tu nous as délivrés, parce que tu nous as mis au large. Tu as mis la défaite dans le camp de nos ennemis, parce que tu nous as secourus, parce que tu nous as justifiés, parce que tu n'as pas permis que l'ennemi ait raison de nous tout au long de cette année. Tu as prouvé ta fidélité. Ils ont été honteux. Ils ont été dans le silence. Tu les as réduits dans le silence. Tu as fait pour nous de grandes choses. Et nous voulons davantage te remercier, te glorifier, t'acclamer, te magnifier. Et en retour, venir te dire merci. Pour ces canaux que tu as utilisés pour me bénir, comme la radio Fréquence Vie, comme ces hommes et ces femmes qui prient pour nous. Et merci parce que tu mets dans le cœur de cette femme de revenir en action de grâce pour bénir la radio. Merci Seigneur, parce que cet homme aussi revient sur ses pas pour dire « La radio m'a aidé, m'a fortifié, a encouragé ma femme. Aujourd'hui, je me lève et je viens » pour dire merci à Dieu avec ce don. Seigneur, merci pour tous ceux qui se lèvent pour être reconnaissants envers leurs bienfaiteurs. Que ton nom soit loué à cause de leurs gestes. Garde-les, préserve leur sujet d'action de grâce, préserve leur vie, préserve leurs enfants et tous leurs biens. Merci et merci, parce qu'encore cette journée, oui, le bonheur, oui, la grâce, oui, ta bonté nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. C'était OSB. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Son bras puissant.